Merci d'être à l'écoute d'Amendla. Nous quittons le thème des changements climatiques pour vous parler d'un arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples rendu en juin dernier dans l'affaire Ingabire Victoire Umuhoza contre République du Rwanda. Ce jugement est disponible sur le site web de la Cour au www.african-court.org. Alors voici un bref rappel des faits tels que parus dans ce jugement. En 2010, la requérante, Madame Ingabire Victoire Umuhoza, ressortissante rwandaise, aurait quitté les Pays-Bas afin, et nous citons la Cour, de retourner au Rwanda pour contribuer à l'œuvre de reconstruction nationale avec, au nombre de ses priorités, faire enregistrer un parti politique, le FDU, Inkingi, dont elle en deviendra chef. En février 2010, cependant, la requérante fait l'objet de poursuites par la police judiciaire, le procureur et les tribunaux rwandais, faisant face à des accusations de propagation de l'idéologie du génocide, atteinte à la sécurité intérieure de l'État, complicité de terrorisme, sectarisme, divisionnisme, création de branches armées et autres chefs d'accusation. Le 30 octobre 2010, Madame Umuhoza est condamnée à 8 années d'emprisonnement par la haute cour rwandaise, puis peine portée à 15 ans à la suite d'un arrêt de la Cour suprême du Rwanda le 13 décembre 2013. Madame Umuhoza saisit la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en octobre 2014 afin qu'elle se prononce sur les points qui suivent. Premièrement, des violations de droits prévues à la Déclaration universelle des droits de l'homme, à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi qu'au pacte international relatif aux droits civils et politiques, au nombre desquels le droit à ce que sa cause soit entendue, le droit à l'information et à celui d'exprimer et de diffuser ses opinions, le droit à une protection égale contre toute discrimination, le droit à la protection contre la torture, les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Autre question soumise à la Cour par la requérante, abroger avec effet rétroactif les articles 116 et 463 de la loi organique 01-2012 relative au code pénal, de même que la loi numéro 84-2013 relative à la répression des crimes de l'idéologie du génocide. Réviser son affaire, annuler les décisions prises depuis l'enquête préliminaire jusqu'au prononcé du dernier jugement, prononcer sa libération sous condition et enfin lui adjuger les dépenses et réparations. En janvier 2016, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples fixe l'audience au 4 mars 2016. Madame Umuhoza demande à être présente à l'audience en qualité de témoin et de pouvoir aussi assister à l'ensemble de la procédure par vidéoconférence. Sa demande est rejetée par la Cour, qui estime non nécessaire sa présence à titre de témoin et déclare ne pas avoir les moyens de tenir des audiences en visioconférence. De son côté, le défendeur, la République du Rwanda, notifie à la Cour, par lettre reçue le 2 mars 2016, le dépôt auprès de la Commission de l'Union africaine d'un instrument de retrait du protocole portant création de la Cour et requiert par conséquent de la Cour la suspension de toutes les affaires le concernant, y compris celles qui l'opposent à Madame Umuhoza, et nous citons « jusqu'à ce qu'une révision de la déclaration soit faite et notifiée à la Cour en temps opportun ». Fin de citation. Si pour des motifs différents, les deux parties solliciteront de la Cour un report de l'audience du 4 mars 2016, la Cour le rejette et leur confirme la tenue de l'audience publique à la date prévue. Le défendeur, c'est-à-dire le Rwanda, ne s'y présentera pas. La Cour entendra la requérante sur des questions de procédure, mais ne le fera pas sur le fond de l'affaire. À l'issue de cette audience, la Cour choisit à 9 juges contre 2, d'émettre une ordonnance enjoignant aux parties de lui soumettre leurs observations écrites, notamment sur le point du retrait par le Rwanda du protocole portant création de la Cour. Alors, il n'est pas anodin qu'une partie à un litige soit en défaut de comparaître à son audience sans qu'il y ait de conséquences. C'est ce que soulignent les opinions dissidentes des deux juges, messieurs Ouguerguez et Benachour, qui auraient souhaité que la Cour se prononce sur le fond de la requête qui lui était présentée par Madame Umuoza le 4 mars, même en l'absence de l'État défendeur, le Rwanda. La dissidence critique en des termes fermes et s'appuyant sur des arguments juridiques l'attitude de la Cour à l'égard de l'État défendeur, de même que les décisions prises à l'audience du 4 mars. Alors nous ne pouvions nous arrêter ce soir sur le contenu de l'ordonnance du 18 mars, mais nous vous invitons à prendre connaissance de la chronologie et de la substance des échanges intervenus entre les parties et la Cour, qui sont exposés avec plus de détails dans cette ordonnance, notamment par le juge dissident Ouguerguez. Et sait-on jamais, peut-être pourrons-nous y revenir dans une prochaine chronique. Ces faits contribuent à donner une vision plus complète du processus dans cette affaire. Si nous revenons donc à l'arrêt sur les effets du retrait de la déclaration faite en vertu de l'article 34.6 du protocole portant création de la Cour, prononcé en juin dernier, dans lequel la Cour aborde cette question du retrait par le Rwanda en trois points qu'elle estime principaux. En premier, le retrait du Rwanda est-il valable ? En deuxième, si oui, quelles en sont les conditions ? En troisième, quelles sont les conséquences juridiques de ce retrait ? L'article 34.6 de ce fameux protocole dit ceci. À tout moment, à partir de la ratification du présent protocole, l'État doit faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes énoncées à l'article 5.3 du présent protocole. La Cour ne reçoit aucune requête en application de l'article 5.3 intéressant un État parti qui n'a pas fait une telle déclaration. Fin de citation. C'est cette déclaration de compétence que le Rwanda souhaite retirer. Quant à l'article 5.3, il stipule que la Cour peut permettre aux individus ainsi qu'aux organisations non gouvernementales dotées du statut d'observateur auprès de la Commission, c'est-à-dire la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, d'introduire des requêtes directement devant elle, conformément à l'article 34.6 de ce protocole. À la question « Le retrait est-il valable ?», la Cour conclut que le Rwanda, et nous citons, est en droit de retirer la déclaration qu'il avait faite en vertu de l'article 34.6 et que ce retrait est valable au regard du protocole. Fin de citation. Cependant, sur la question des conditions pour ce faire, la Cour souligne, et nous citons encore une fois, que le caractère discrétionnaire de ce retrait n'est pas absolu. Et d'ajouter, ceci est d'autant plus vrai en ce qui concerne les actes créant des droits au profit des tiers et dont la jouissance requiert une sécurité juridique. Fin de citation. Dans ces circonstances, la Cour conclut à l'obligation des États de donner un préavis au vu de l'engagement international pris par cet État et surtout, souligne-t-on, parce que l'engagement de l'État crée des droits subjectifs en faveur des individus et des groupes. La Cour précise, et nous citons encore une fois, que la notification du délai de préavis est essentielle pour assurer la sécurité juridique et empêcher une suspension soudaine de droits ayant inévitablement des conséquences sur les tiers, qui sont en l'espèce les individus et les ONG qui sont titulaires de ces droits, et de conclure plus loin, en conséquence, le retrait brusque, sans préavis, est susceptible d'affaiblir le régime de protection prévu par la charte. Fin de citation. La Cour estime que le préavis d'intention de retrait auquel le Rwanda est tenu devrait être d'au moins une année et le fixe à un an. Au chapitre des conséquences juridiques de ce retrait, la Cour en nomme deux. En appliquant le préavis d'une année à la mise en œuvre du retrait, celui-ci ne prendra effet que le 1er mars 2017, d'une part. D'autre part, la Cour réaffirme la non-rétroactivité des effets de ce retrait sur les affaires en cours. Elle déclare, et nous citons, que la notification par le défendeur, c'est-à-dire le Rwanda, de son intention de retirer sa déclaration n'a aucun effet juridique sur les affaires pendantes devant la Cour. Fin de citation. À l'unanimité, les juges décident que le retrait par le défendeur de sa décision n'a aucun effet sur la requête en l'espèce et que la Cour continuera donc à l'examiner. Les juges doivent à présent se prononcer sur le fond de l'affaire, c'est-à-dire sur les enjeux pour lesquels la requérante Madame Umuoza les a saisis en janvier 2014. Voilà, nous vous rappelons que les textes de l'ordonnance du 18 mars 2016 ainsi que l'arrêt de juin sont disponibles sur le site web de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples au www.african-court.org. Et nous arrivons ainsi au terme de la chronique en français.